7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Hola, bon dia la planeta, la familia. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable nuit. Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio. Salut Nono qui est déjà connecté, salut Francky. Je suis déjà au volant du camion. Ah ouais, il y en a qui bossent de bonheur ce matin. De bonheur, de bonne humeur. Dormir, c'est mourir, c'est ce que disait Antoine Glamaran. Aujourd'hui, les températures plutôt pas mal. 12 degrés au lever du jour, avec du soleil, ça c'est la bonne nouvelle. Et on va frôler les 20, 21 degrés et... Franchement, quelques jours d'Halloween, c'est pas mal, c'est pas mal. En tout cas, on est heureux de vous retrouver ce matin avec du son pour bien vous sortir du lit tout en douceur, parce que on sait que c'est pas facile le matin pour aller bosser. Ça va, c'est les vacances scolaires, donc peinard, les gamins, peut-être chez la grand-mère, chez le grand-père, peut-être en vacances. Vous êtes tranquille pendant 2-3 jours. Eh bien, profitez. Le meilleur son de la, du son, de la musique, c'est ce qu'on dit le matin. Avec les Boys Tam Gang and Can't Take My Eyes. How are you? Belle journée et bon réveil sur Aller Arc-en-Ciel.

Marc Lawan, belle journée et bon courage pour ceux qui vont au taf ce matin. Et bandia! Tu disais que c'était provisoire. Et j'étais d'accord. Tu ne rentrais pas tous les soirs. C'était nos accords. Le jour où tu es parti, je n'ai pas réalisé. J'ai pas beaucoup dormi, je t'attendais. Tu es belle, si tu veux le savoir. Infidèle, si tu veux le savoir. Et si tu m'aimes, comme tu peux le voir. C'est que je t'aime, si tu veux le savoir. C'était déjà fait. Le jour où tu as dit ça, je n'ai pas réalisé. Je n'ai rien fait contre toi. Je t'attendais. Tu es belle. Sur à la conciel, si tu veux le savoir, et on adore le meilleur des souvenirs pour bien vous réveiller ce matin. Soul Sing Reggaeton, Camaleon qui arrive, no, belle journée, bon réveil, courage, Stéphanie qui vient d'arriver sur la radio. Salut Francky, belle journée à toi, je viens juste de me réveiller, je pars au boulot à 8h30, bah bon courage, ma Steph. Le son de Latina avec Latina et Camaleon. Te lleva hasta el engaño. Déjame, nena.

ça chante en yaourt sous la douche. C'est comme ça que mon conjoint le met, ça les connaît, c'est ça, hein, quand on connaît pas les paroles. Bah ouais, c'est comme ça tous les matins pour vous réveiller. Salut Doudou qui est connecté sur Orléans. Belle journée à toi mon Francky. Bah toi aussi mon Doudou. Rec, tout en douceur. Ah, beau gosse, frère. Je suis en train de mater la vidéo en même temps. Ça va les filles, vous pouvez l'emballer ce matin. On vous souhaite une belle journée et un bon réveil. 96.2 FM. Por más que trato, aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa y el silencio me habla de ti. Es que sobra tanto espacio desde que no estás. Daría todo lo que hoy me queda por tener. Con ese piquete, dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes. Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente. Saca de mi mente y eso será de repente. Pero es que tú, chica, con ese piquete, dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes. Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente. Saca de mi mente y eso será de repente. Y es que me niego a perderte. Está matando la soledad, duele saber que ya no estás. Quiero pensar que todo esto es mentira y que al llamarte contestarás. Al llegar la noche regresarás, aún podemos intentar, no te alejes de mi vida. Aún quedan dos retratos en cada rincón de la casa y el silencio me habla de ti. Tanto espacio desde que no estás. Daría todo lo que hoy me queda por tenerte. Porque vuelvo. Es que me niego a perderte. Jamás nunca vete. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Es que me niego a perderte. Jamás nunca vete. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. La Latina, j'adore. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. C'est Francky dans la radio, il sera avec nous au téléphone tout à l'heure à 8h30. Ça y est, il est réveillé, ça fait plaisir. Jean-Pierre Savelli depuis Toulon sera avec nous au téléphone. Et bah oui, vous le connaissez, besoin de rien, envie de toi. Et ben, un nouvel album qui sort pour lui en solo. L'album s'appelle Romantique, il va nous en parler tout à l'heure au téléphone et ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir de l'avoir au tel. Et franchement, ça va me faire plaisir, depuis Toulon en plus. Hein. Du son qui arrive pour vous réveiller, Edouard qui est connecté. Salut Francky, belle journée à toi. Bah, belle journée mon ami. Au boulot, au chantier, dans les toilettes, sous la douche, on vous réveille. Que pare de souffrir, eso todo el mundo dice. Lloro porque tengo cicatrices y dolores en el alma. Sí que me has hecho falta. Hablo de mis entrañas para ser sincero. Sé que fui culpable y por eso te pierdo. Hablabas, no te escuchaba. Solo desnuda era que me gustaba. Hoy se llegó el momento. Solo hay ruido en nuestra habitación y silencios que gritan adiós. Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor. Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba. Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor. Iba por cada puerto.

já não me queres mais. Que tu não tens saudades de me namorar. É pedir demais que me ouças de novo, que me abraças de novo. Só mais uma vez. É tão chato ouvir de como fui um bobo que te perdi por tão pouco. C'est 7h09, Franck est dans la radio, ça me donne envie de danser la kizomba, la bachata, ça. Bah oui, dès le matin comme ça, 7h41, belle journée, bon réveil à vous. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Une date à ne pas rater, c'est le 5 novembre, samedi 5 novembre, le bal anniversaire de la radio, à l'espace Montition, grosse soirée avec Hermanos Valadez, ils seront là, ouais je sais, je le dis mal. Et Capanegra aussi pour faire la fête avec nous, ils seront sur la scène de Radio Arc-en-Ciel et on les adore. Hermanos Valadez, Yelena et Bondia, la planète et la familia. On adore, ils seront le 5 novembre avec Radio Arc-en-Ciel sur scène. You know. 44, bonjour à Joël, Olivier. Ça y est, sur la route, hein, direction l'usine, hein, on va se parfumer ce matin. Bah ouais, un sur loire. Salut la famille. Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio. Ils seront sur la scène de Radio Arc-en-Ciel, c'est le 5 novembre. Hein. Hermanos Verdades avec le son de Capanegra aussi qui seront là pour faire la fête. Et nous, on sera là aussi pour vous ambiancer samedi 5 novembre. Quelle soirée qui vous attend. On va pouvoir kizombater, bachater aussi et puis picoler un petit peu, sans alcool bien sûr. On vous souhaite une bonne matinée, Yolanda, avec Hermanos Valales. Yolande, justement, qui est connectée. Là, Yolande, ben justement, fan des années 80, fan de Peter Eslo, Jean-Pierre Savelli, sera avec nous au téléphone, vous savez. Besoin de rien, envie de toi. Mais si, écoutez, ça, c'est la version acoustique. C'est ça, voilà. Oh, j'aime. Ah ouais. C'est bon, ça. Version acoustique, pas mal, hein. Eh bien, il sera avec nous au téléphone tout à l'heure à 8h30 depuis Toulon. Jean-Pierre Savelli, de son vrai nom, Peter Eslo, dans les années 80. Que devient-il? Nouvel album, il s'appelle Romantique. On écoutera le nouvel extrait tout à l'heure. Si ça ne tenait qu'à moi, eh bien, en exclusivité sur la RCL, il sera notre invité. Ah oui, je parle vite. À 8h30, Jean-Pierre Savelli. C'est bon, il est réveillé aujourd'hui. Et puis là, je vous ai préparé un petit remix ce matin, histoire de se croire un peu en boîte de nuit quand on va au boulot. Lady Gaga, Dépêche Mode, exclusivité Radio Arc-en-Ciel. On vous souhaite une bonne matinée, bon réveil et courage à vous pour le taf. Dépêche Mode, coucou à Jessica qui nous écoute sur Venet, ça me fait plaisir de la retrouver encore ce matin. Je vous l'ai dit, c'est boîte de nuit, hein, le matin comme ça, histoire de vous réveiller, de vous emmener au boulot en pleine forme. D'ailleurs, une course offerte à toutes les filles, car allez, le son de la radio arc-en-ciel pour bien vous sortir du lit. Et c'est toute la famille, la Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta, il y a tout le monde, hein, je les ai tous convoqués ce matin, ils sont dans la bagnole. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. is how we do it, baby. This is what we say. It's a look at through your eyes, I say. Shakira, il y a tout le monde, même David Guetta il est dedans. Alors moi je suis déçu parce que je voulais le voir avec un casque, des platines, et maintenant il est au centre, le mec. Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio, et Léonore qui est connecté à Olivier. Salut Francky, belle journée à toi, on t'écoute à fond, on est à l'usine. On a mis les Black Eyed Peas avec Shakira à Donf, et il y a le boss qui gueule. Pas grave, pas grave, justement. Pour toutes les filles qui viennent d'arriver, on aime les filles à la radio, et puis les mecs aussi, on aime ça. Bah, c'est Camaro, les femmes like you. Show me. Yes, je m'appelle Francky. Eh ouais, je suis là le matin, pour vous. Salut Lolo, connecté à Saint-Jean-de-Bray. Belle journée à toi aussi mon ami, chauffeur-livreur, il est déjà sur la route. Peut-être qu'il va vous emmener votre colis ce matin dans la boîte à lettres, là, le petit paquet qui arrive. Eh, vous l'attendez depuis longtemps, votre petit jouet là. Ah, on sait. Oh, pas le disco de Betchin. Ça me donne la patate le matin pour vous réveiller. In the Dark, Purple Disco Machine, le DJ allemand avec Sovi and the Jams. Hey, salut Dad, qui est connecté ce matin. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu à la maison. Heureux d'être là. Francky dans la radio, bientôt 8h. La météo pour aujourd'hui, bien, on est pas mal. On est pas mal. La météo pour ce mardi matin, eh bien, le ciel est assez nuageux, mais les températures sont plutôt pas mal aujourd'hui. 12 degrés au réveil, c'est pas mal, ouais, c'est bien. On va frôler les 20, 21 degrés. La bonne nouvelle, c'est que le ciel va se dégager en fin de matinée et apporter du soleil. Voilà la bonne nouvelle. Et cette semaine est plutôt pas mal. Franchement, du soleil, des nuages, du soleil, des nuages. Pas de pluie prévue au programme, ça c'est la bonne nouvelle. La deuxième, c'est du son à l'ancienne qui arrive pour tous les nostalgiques, pour bien vous réveiller sous la douche, peut-être au boulot ce matin, sur le quai en train d'attendre le train, dans le taxi, direction Paris peut-être aussi pour vous, et en train de nettoyer les locaux là, bah ouais, les femmes de ménage, je les salue, les amis de la ville d'Orléans aussi, les bus de la SAO aussi qui nous écoutent. Ainsi la lien sceptique. Un élément déterminant, mais non. Mais vous pensez, oui, vous savez, mais peu importe, vous demeurez dans cet état où l'esthétique demeure à vos portes. Stop, je vise le naturel, détruis l'artificiel. Ce point de vue reste personnel. En d'autres termes, celui de qu'un point, mais le ciel. Dire que certains ignorent les bienfaits de leur propre personnalité, mieux vaut rire. La spontanéité reste mon propre point de mire. Pire, ce dont la langue, dans notre activité, que de s'agiter dans le vent. Oh oui, c'est la même gelée. Non, même pas. Simple funky, simple funky, simple funky, let's keep funky. Simple funky, simple funky, let's keep funky. Simple funky, simple funky, simple funky, let's keep funky. Simple funky, simple funky, let's keep funky. Et je chute de bien haut en apprenant que sur nous circulent des propos compromettants. À partir du moment où, personnellement, je m'intéresse aux ragots d'enfants. Mis à part que dans ce cas, les enfants paraissent bien grands. Pour ces gens, le mot est glorifiant. ils le sont la plupart du temps. Intelligents, ils le seront quand ils cesseront. Leur tromperie attire la rigo. Go, go, eh, go, oh, go, zéro. Tous ces gigolos, zigoto, rigolons, amour zéro. Ne méritent aucune estime, ils ne méritent que la peine poteau. Et oh, la dose est-elle au niveau où doublons la dose, c'est chaud. Le cerveau, ça vibre de stéréo. Les cordes vocales au déniveau, le flow, les mots se mêlent en VO. Ok, voilà le groupe en démo. Simple funky, simple funky, simple funky, let's be funky. Simple funky, let's be funky. Simple funky, simple funky, simple funky, let's be funky. Simple funky, simple funky, make it funky. La pétard est là, l'original s'adresse aux adeptes du funk, aux adeptes du rap, aux adeptes de maze, aux adeptes de pouvoir. Et ce pour qui les restoirs ont un profil de combat, se rendre en soirée en oubliant l'objectif premier, c'est d'avoir du non-respect pour les danseurs en effet, car il faut que la fête reste dans les têtes. Et me voilà dans un état plus que serein. Une fois n'est pas coutume à moi de corriger le matin. Tous les matins au champ du soin, soin. Le remerciement va de soi. C'est pour qui, c'est pourquoi, c'est pour toi, c'est pour lui, c'est pour ça. Muchas gracias, merci. La langue reçue est dans le cul, mais l'esprit de mauvais cul. Où est l'utilité de prêter attention à de tels individus? Vous le savez, vous l'avez su. Bah, on l'a su, bah, moi je suis en train de danser. Vous savez comment ça se danse, ça? Vous hochez la tête de droite à gauche dans la voiture, allez-y dans les bouchons. Comme ça, droite, gauche, voilà. Ça se danse comme ça, l'alliance ethnique, le meilleur des souvenirs. Et puis, c'est vrai qu'il y a des bouchons ce matin. Dad, il nous dit un petit netino, je mets là dans les bouchons. Bah voilà, qu'on veut t'exaucer, mon ami. J'ai juste appuyé sur les boutons à la radio et c'est magique. Du Brasil et 8h03 minutes. Jean-Pierre Savelli, 8h30 au téléphone avec nous. Peter Sloan, bah oui, besoin de rien, envie de toi, vous connaissez. Il sera avec nous au téléphone depuis Toulon. Nouvel album qui s'appelle Romantique. Nouvel extrait, si ça ne tenait qu'à moi. Et bien on l'écoutera tout à l'heure en direct au téléphone. Voici Mila. Abandonado em uma grande alfa astral. Lá em Hollywood, pra de tudo rolar. Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar. Eu e você, na ilha do sono. Na ilha. Do sono. Como ferida aberta, como tatuagem. Oh, Bruno, c'est comme ça qu'on fait passer les bouchons sur la tendancielle. Salut la famille, belle journée, bon réveil, 8h07 en direct. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. On est là pour vous réveiller, puis ne sursagez pas les hôpitaux, là, allez pas aux urgences pour rien, parce qu'en ce moment, en plus, ils ont doublé les lits en réa à cause de la broncholite pour les tout petits. Bah oui, donc faites gaffe, les amis, n'allez pas aux urgences pour rien, là, c'était un petit message des urgentistes du Loiret, histoire de vous faire passer ce petit message tout en douceur pour vous réveiller, pour vous sortir du lit, dans la bagnole peut-être, au taf, comme Olivier, qui est chauffeur livreur aussi, qui va vous emmener votre colis. Ce matin, il m'a dit, eh ouais, voici la belle dalle, et j'adore le sens de la vie sur un arc-en-ciel. Courage pour le taf, on est là. Eh ouais, le smile aussi, le sourire, important. Sous un nouveau soleil, et depuis ce jour-là, rien n'est pareil. Lumière des projecteurs qui réchauffe mon cœur. Tout au fond de moi, je n'ai plus jamais peur. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas. Devant de la scène, j'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. C'est une évidence, j'ai trouvé ma voie, je prends mon envie.

Avec Jimmy Cliff, Reggae Night, et n'oubliez pas la nuit de samedi à dimanche, eh bien on va dormir une heure de plus, on change d'heure. Eh bien à 3h, il sera 2h. Voilà, une heure de plus. Et pour ceux qui sont en boîte, eh bien une heure de plus de fête. Voilà, c'est comme ça. Rec qui arrive sur la radio couleur, 8h21 et 8h30 depuis Toulon avec Jean-Pierre Savelli, Besoin de rien, envie de toi. Nouvel album romantique. Il sera avec nous, Jean-Pierre. Presto mis manos para que toques las nubes si quieres. Oh, oh, oh. Te presto mis dedos para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche del viernes. Te presto mis besos y me los devuelves. Así tengo una excusa para. Eran las 8 y 15 en la plaza de San Juan. Ibas caminando con un par de amigas más. Ya se la juguetona, como que no quiere la cosa. Me tiraste una mirada misteriosa. Y hey, máchame, con esa boquita embriágame. Con tu cuerpo ven, sedúceme. Quitémonos ya la ropa, que así desnuda te ves más sexy. Para mí tú eres mi lady. Yo soy tu mamá, baby. Amigos con derecho a tu buen provecho. Faire que ça, moi. 8h24, Elisabeth qui est connectée à la chapelle Saint-Mémin à Orléans. Salut Elisabeth, belle journée à toi. Sous le soleil avec sa petite fille qui est malade aujourd'hui. Oh, pauvre chouchou, bah, c'est pas grave, tiens un peu de Yann Nakamura, ça va lui faire du bien. Et, 8h24, 8h30, Jean-Pierre Savelli, Peter Sloan, bah oui, au téléphone depuis Toulon avec nous.

I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still living life there. Na na na na na na na na na na na na na na na na na. Yeah man. Sabadee. Na na na na na na na na na na na na na na na na na. Right. Here comes the hot stepper. Oh la la. Gangsta. Oh là là, bah ouais, je vous vois chanter dans la bagnole là. 8h28, dans 3 minutes, il est avec le téléphone, c'est Jean-Pierre Savary. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Eh, 02 38 43 48 00, vous m'appelez après 8h30 si vous voulez des petits conseils pour trouver un bon plan pour l'essence. J'en ai des sur Orléans, ça y est, hein. Ah ouais, ça y est, j'en ai. Hein. Bah tout est ouvert, c'est pas compliqué. Heureux d'être là, Don Omar, Soledad, et puis Jean-Pierre Savary depuis Toulon avec nous au téléphone. Belle journée et bon réveil sur Orléans. Nombreux le matin, bonnes vacances, hein, si vous êtes en vacances, profitez. 8h33 en direct de Toulon et c'est parti. On va pas loin. Hein. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Ah, l'invité du jour, il s'appelle Jean-Pierre Savary. Hein, c'est qui? Bah, vous rappelez ça, écoutez, c'était ça. Ah, ça va mieux là. Hein. Bonjour Jean-Pierre Savary. Bonjour Franck, bonjour à tout le monde. Eh, ça va? Je sais que le réveil pour toi c'est pas facile ce matin, hein, mais bon. Oh, écoute, non, mais on a deux petits jours de vacances, on est chez des amis musiciens là. Ah ouais? On est à Cavaillon, à côté d'Avignon, ouais. Voilà. Mais le temps est magnifique, donc c'est pas grave de se réveiller tôt. Ouais, je disais Toulon parce qu'il y a beaucoup de gens à Toulon qui nous écoutent maintenant, c'est un truc de fou quoi depuis que t'es passé à la radio. J'en suis, il y a des messages des Toulonnais hein, qui me disent oh, t'écoutes depuis Toulon, oh, ça fait plaisir. Oui. Le pays du rugby, Toulon, hein? Ah oui, oui, le rugby, ouais. Club Toulonnais, c'est mon club de cœur. Ah, ton club de cœur. Jean-Pierre Savary, un album qui est dans les bacs. Il est énorme, oui. Il s'appelle Romantique, cet album. Alors nous, on le passe à la radio, on en joue pas mal. On va écouter tout à l'heure le nouvel extrait qui s'appelle Si ça ne tenait qu'à moi. Et qu'est-ce qui tient à toi aujourd'hui, Jean-Pierre? Ben, d'être toujours en forme pour pouvoir être auprès des miens, de chanter toujours, de toujours avoir des idées pour produire des choses et pour me produire sur scène. C'est ça qui est important. C'est super important. Comment on passe de la star des années 80 avec Peter et Sloan, avec Besoin de rien, vie de toi, le film aussi. Comment on passe justement de cette phase star 80 à aujourd'hui, plus tranquille, plus romantique, comme le dit l'album, Jean-Pierre Savalli? Ben écoute, tu sais, je vais te dire, c'est bien d'avoir comme ça des hauts, des bas, des hauts, des bas. Ouais. Parce que j'ai connu ça pendant 50 ans, avec les diverses choses que tu connais, de ce que j'ai pu faire depuis le début avec Michel Legrand. Bien sûr. Il y a eu des ventes, après on vend moins. Là maintenant c'est plus calme, mais je l'ai voulu, parce que c'est quand même moi qui ai décidé d'arrêter, si tu veux, de chanter en duo, pour de nouveau être seul, responsable de mes chansons. Voilà, j'étais un peu enfermé dans le duo, donc si tu veux, bon, j'ai quitté la tournée Star 80 et j'ai monté ma tournée à moi dans le sud de la France. Ouais, et ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Pourquoi avoir choisi le titre romantique? Tu voulais quoi, plaire encore aux filles, ou alors bah tu plais toujours, mais toujours, encore et toujours, depuis 50 ans, Jean-Pierre. Oui, mais je me dis un album plus love, plus tranquille. C'est quoi, c'est l'âge, comme moi par exemple qui est 50 balais, j'aime bien me poser aussi. Ouais. Disons que ma femme, quand elle est rentrée en studio, j'étais avec mes musiciens. Ouais. Et puis surtout, on était en train de faire une balade avec Rosendo Gomez, qui est l'actuel guitariste soliste des Gypsy Kings. Il était à la maison, dans mon studio. Et puis c'est parti de là. Elle m'a dit, mais non, c'est que des chansons romantiques. Voilà, je l'ai appelé comme ça. Mais là, j'ai fait quelques exprès. Donc si ça ne tenait qu'à moi, c'est une belle balade d'amour. Super, ouais. Voilà, ouais. Alors qu'elle symphonique un peu derrière moi. Mais par contre, au niveau, si tu veux, du prochain, ben ça sera un titre très latino, comme tu en passes beaucoup. Eh ouais, beaucoup de latino. Sur cet album romantique qui est dispo, on peut retrouver sur la 13, Besoin de rien, envie de toi, la version acoustique. Alors je la passe souvent le matin, et je suis honnête avec toi, Jean-Pierre, vraiment, vraiment honnête. Hein, y a pas de... Nous, une petite radio, bon, un peu 8000 auditeurs par jour, quand même, c'est pas mal. Et qui nous écoutent quand même le matin, ça fait plaisir. Et cette version acoustique, souvent, on me dit, ouais, c'est quoi, c'est où, tu l'as eu, celle-là? C'est vrai que, bon, j'ai mis ça en bonus, tu vois, c'était une maquette que j'avais fait, et puis finalement, je me suis dit, bah, terminer l'album, en plus, le 13, moi, c'est mon chiffre, hein, j'avais créé un groupe 13 avec Michel Sardou, j'avais monté une société qui s'appelait Société 13, franchement, ça me faisait pas peur de la mettre en numéro 13, et voilà, et puis j'ai les chanté tout seul, pour montrer aux gens qu'une chanson en duo, ben, ça se chante en solo aussi. Et c'est vrai que les gens qui la découvrent sur scène, puisque je la fais sur scène aussi, ils sont assez surpris. Justement, tu parles de scène, toujours pour toi, tu tournes un peu partout. T'as besoin de ça, de dire, Jean-Pierre, il est là, il a envie de vous montrer des choses, la musique ne s'arrête pas, la vie ne s'arrête pas. Absolument, tu as raison, moi ça continue tout le temps, j'ai toujours plein d'idées. Mon entourage venant depuis 5 ans à Toulon me dit, mais c'est pas possible, je croyais que tu étais venu un petit peu à la retraite dans ta ville. Et non, je produis des disques et je continue. Là, cet été, on a fait une tournée 70-80. Ouais. Donc, je me suis replongé aussi dans les medleys Delpech, Fugain, que j'adore. Ouais. Voilà, et puis, chanter les chansons des autres, comme mon copain Patrick Hernandez dit, puisque je l'ai invité cet été sur scène avec moi. Il dit, mais tu adores les chansons des autres, tu les chantes. Et c'est vrai que ça me fait plaisir. Et t'aimes faire plaisir, et même aux enfants, parce que dans les années 80, Goldorak, hein, les dessins animés, toi, tu as chanté. Ah oui. Ah ouais. Les gens ne le savent pas forcément, ça, mais tu vois, aujourd'hui, on va peut-être leur dire, et voilà. Goldorak, accours vers nous, prince de l'espace. C'était toi, voilà. Hein, mais oui. Albator aussi. Albator. XOR. Ouais. Et beaucoup de pays. On a fêté les 45 ans de Goldorak, là, au Grand Rex de Paris, cette année, avec mon copain Noam. Et là, bientôt, au mois de mars, l'année prochaine, on va refaire ça. Et figure-toi que le producteur de ce spectacle, c'est le fils du grand compositeur Céron. Jérémy Céron. Céron, ah là là, Céron. Qu'on voit beaucoup en ce moment la télé en radio. Il est partout. Il est partout, le grand Céron. Alors, on va parler de l'album romantique. Donc, 13 titres, à l'intérieur. Le nouveau single qui sort, qui est dans les bacs. Et puis, nous, qu'on diffuse sur la radio, si ça ne tenait qu'à moi. Plusieurs morceaux assez love, assez romantiques, comme le dit cet album. On a envie de l'écouter. On a envie de mettre ça chez soi, tranquille. Après une journée de galère, ça repose, je trouve. Oui, mais j'ai beaucoup de vidéos, là, sur, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, où des gens me passent leur titre, ils le mettent dans la voiture, dans les embouteillages, ils se passent des slow, et ça les détend. Voilà, ça les détend. Justement, on parle de slow, je trouve qu'en radio, il n'y a plus de slow maintenant. À l'époque, je rappelle, en radio, tout le monde jouait des slow. Pourquoi les programmateurs n'ont plus envie de mettre en avant des musiques tranquilles, un peu douces? Franck, c'est ce qu'ils me disent certains, d'autres radios plus grandes, disent, non, mais ça ralentit, et c'est si, non, c'est des slow. Ah bon? Moi, j'entends des slow de gens plus connus que moi, et ça passe quand même en radio. Non, tout simplement, les gens, des fois, n'ont pas envie de passer certains titres, et te trouvent des solutions, des idées à eux, qui sont pas très intelligentes des fois, pour quelqu'un qui a le métier comme moi depuis 50 ans, franchement, d'entendre, non mais des slow, ça ralentit le rythme à la radio, ben oui, c'est un rythme lent, eh ben oui. Bah oui, c'est un slow. Il en faut. Mais t'as vu, hein, ça se suit, parce que dans les discothèques, hein, toi qui connais les clubs, et puis moi aussi, oui. Les slow, il y en a plus non plus. Hein. Eh non, c'est fini. C'est dommage, c'est vraiment dommage, franchement, c'est dommage. Mais je suis sûr que quand un DJ, vers 2h, 2h30, ou même 1h30 du matin, ça dépend de l'endroit, il casse un petit peu avec, non, ne serait-ce que deux slow, oh là là. Ah, tu sais. Eh ben je suis sûr qu'on devrait tenter l'expérience, et je suis sûr qu'on pourrait même encore, on pourrait emballer, ça se trouve, on pourrait créer des couples. Combien de couples on a créé en France, dans les discothèques, grâce à ça, hein? Je comprends, il y en a eu plein. Il y en a qui sont mariés, il y en a qui ont divorcé, il y en a plein. Mais en tout cas, c'est bien. Bon, romantique. Ouais, maintenant, il y a la bachata, tu comprends, il se rapproche avec la bachata. Ah, c'est bachata, reggaeton, salsa. Ouais, c'est vrai, c'est autre chose. Ouais. C'est différent, c'est différent. Moi, j'ai envie de danser un saut, des fois. Romantique, l'album est dans les bacs. Jean-Pierre Savelli. La suite pour toi, après, il y a un nouvel album qui arrivera plus, tu le disais, plus rythmé, plus latino, peut-être? Mais écoute, il y a déjà donc un des extraits que l'on est en train de remixer qui s'appelle Sans rien dire, qui est sur l'album. Et que j'ai fait un petit peu plus salsa. Ouais. Parce que, tu sais, avec une femme qui fait de la zumba depuis des années, bon, j'écoute ça, tout va latino à la maison. Et donc j'ai eu envie de prendre ce titre et d'en faire une version un petit peu salsa. On est en train de la faire. Et puis un projet de spectacle. Ouais. Où je vais faire pendant plus d'une heure, car ça fait 3 ans qu'il est parti, c'est mon ancien producteur Michel Legrand, et beaucoup de gens me disent, mais écoute, franchement, si c'est pas toi qui fendu Legrand, qui va le chanter dans Les uns des autres, Podane, Les parapluies de Cherbourg, bon, j'ai chanté déjà tas de chansons, donc je vais me faire un plaisir avec 4 musiciens, c'est pour ça que je suis ici à Cavaillon aujourd'hui, c'est un ami qui s'appelle Michel Prats, qui est un bassiste extraordinaire, et on va faire donc un spécial Michel Legrand à partir de début de l'année prochaine. Et ben voilà. En tout cas, merci de nous avoir consacré ces quelques minutes, Jean-Pierre Savelli. Merci à toi. Au téléphone. Je vous rappelle, l'album, vous qui êtes de l'autre côté de la radio, Romantique, allez voir, allez le télécharger légalement. Jean-Pierre Savelli, on va s'écouter ce titre qu'on affectionne et que j'ai envie de danser d'ailleurs ce matin. Si ça ne tenait qu'à moi, qu'à toi, aujourd'hui, tiens, justement, si ça ne tenait qu'à toi, ça serait quoi le mot de la fin, Jean-Pierre? Ah, écoute, soyez heureux, il y a tellement de soucis, tellement de problèmes et tout, mais surtout, restez avec votre famille, auprès des vôtres, et c'est très important, et puis qu'on arrête un petit peu tout ce qui se passe de mauvais en ce moment, sur la France et ailleurs, voilà, soyez heureux. Et bien voilà, merci Jean-Pierre Savelli, et bien nous on franchit les barrières, et bien pour la peine il y aura des slows ce matin, 8h43 en direct d'Orléans. Si ça ne tenait qu'à moi, Jean-Pierre Savelli, l'album s'appelle Romantique, écoutez, et on vous retrouve juste derrière. Bouge pas Jean-Pierre, je t'en prends juste après. Si ça ne tenait qu'à moi, je t'aimerais 100 ans. Trop lourd, d'une caresse de velours. si ça ne tenait qu'à moi, je t'aime sans tort, semblable à ces deux tes bras, mais cela s'entend. Si ça ne tenait qu'à moi, je ne dormirais plus. Une heure passée sans toi est une heure perdue. D'un destin bien trop solitaire, tu m'as donné tout court le plus beau rôle sur terre, celui d'être mari et père. Si ça ne tenait qu'à moi, je t'aimerais sans temps, je t'épouserais cent fois à chaque printemps. C'est l'album qui vous fout le matin dans la bagnole pour rouler tranquillement, pour aller au boulot, ça décompresse. L'album s'appelle Romantique, Jean-Pierre Savelli, Si ça ne tenait qu'à moi. Le nouveau single en exclusivité sur Radio Arc-en-Ciel qu'on vient d'avoir au téléphone depuis Toulon. Et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Belle journée, bon réveil avec Zoukla, Zoukla, Zoukla, c'est le médicament, le nid. Sous-classe, c'est ça le médicament, nous n'y. Ça, comme ça. médicament unique. Sous placer ça le médicament unique. Sous placer ça le médicament unique. Sous placer ça le médicament unique. Sur la tangentielle. Belle journée, bon réveil avec Kassab. Un petit clin d'œil à Jacob Desvarieux qui nous a quitté il y a quelques années déjà. Zoukla, c'est le médicament non dit. C'est Francky dans la radio, 7h-9h. Arc-en-ciel, ta radio soleil, dès 7h avec Francky. Et on est là dès 7h du matin, le rayon tout le sol. Baby Q, pété. You ready? Guess who? Quelques minutes, je vous retrouve demain en pleine forme, soyez là, hein. Et puis dédicace à Jessica qui est du côté de Toulon aujourd'hui. Belle journée Jessica. Ah oui, c'est pour toi ça. Ah ouais. Bon, on est avec vous, 8h54 minutes. Mon cœur, tu es toujours la force. mis du temps à te trouver. Ton toi et moi c'est barré collé. Donc laisse-moi chanter devant papa et maman, devant ta famille et ma famille, devant tous nos amis. Laisse-moi chanter devant monsieur le maire, devant nos amis et même devant nos ennemis. Que qu'est-ce qu'on se marre avec M. Laurenceau? Eh, qu'est-ce qu'on se marre, hein? Et on disait que quand on reste assis trop longtemps, maintenant qu'on est vieux, on a du mal à se lever, hein. Bah ouais, c'est ça. Eh, je viens de me lever là, c'est un truc de fou, les gens, hein. Bon. Monsieur Laurenceau qui arrive, je vous souhaite une belle journée, je vous retrouve demain, 7h-9h. Soyez sages, et puis rendez-vous demain. Merci d'être là le matin, c'est Francky dans la radio, 7h-9h, 96 FM. À demain, la famille. Ciao! Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec